De la semaine prochaine seront face à la demi-finale de l'Euro. J'allais vous dire, il n'y a pas de match ce soir, mais nous parlons bien de la semaine prochaine. Non, parlez de la semaine prochaine. Je vois que vous suivez vos interviews et je vous en félicite. C'était ma traduction. Et dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des cadeaux en nous appelant au 3210. RTL 9h27. C'est étrange, mais j'ai le sentiment que vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'entretien de votre voiture. C'est dommage. Moi, je réserve mon entretien ou mes pneus sur profilplus.fr. Je ne paye qu'en magasin une fois que je suis entièrement satisfait. En ce moment, profitez d'une remise immédiate jusqu'à 80€ sur les pneus Goodyear. Profilplus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Carrefour. Dis maman, t'es au courant qu'en ce moment c'est la deuxième démarque chez Carrefour ? Ah bon, une deuxième démarque ? Mais c'est sur quoi ? Alors écoute-moi bien, on a jusqu'à 70% d'économie sur encore plus d'articles au rayon textile. Mais c'est super ça ! Allez viens, on va chez Carrefour toutes les deux. Tu vas pas en croire tes yeux. Les soldes continuent sur encore plus d'articles chez Carrefour. Profitez d'économies allant jusqu'à 70% sur le rayon textile. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour. Tes valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Et ton grand, il fait quoi maintenant ? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré ? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Oui, mais... Ensuite, faut gonfler. Tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Continental 16 pouces est à 69€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants. Conditions sur skoda.fr. Oh, moi, si je me laissais aller, je passerais tout l'été au soleil à déguster des glaces Magnum. Et il faut vous dire que, dans les magasins U, sur la boîte de 6 Magnum, soit 492 grammes, il y a 30% de remise immédiate. Ça veut dire 30% d'économie. Alors moi, pas fou, je vais remplir mon congélateur de glaces Magnum. Oh, je le sens bien cet été, je le sens bien. Parfum au choix. C'est jusqu'au 9 juillet dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, bougez plus. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Alors, nous vous offrons ce matin des DVD du film sur l'environnement, Demain, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Lion, et édité par France Télévisions. Il fallait pour cela répondre à la question de Stéphane. Dans le film naturaliste, lui aussi naturaliste, la tortue rouge, en quoi se transforme la tortue ? En femme. Et non très pas, belle femme. Et non pas en bateau. Non, parce qu'il voudrait bien un bateau pour partir, mais il y a une femme, il reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben non, c'est pas ça du tout. Tu es le plus des bateaux. Ben ah, ça oui, c'est parti. Vous savez quoi ? L'émission est terminée. Julien au secours. Et nous allons retrouver mais Julien. Mais j'aime bien, moi, ce côté karaoké dans l'info. Oui. Enfin, pas ok, hein. Cara, mais pas. Alors, allez-y, on veut lui faire plaisir. Faites-lui plaisir. Et ben, elle a bien travaillé tout au long de l'année. Oui. Allez-y, Isabelle. Laquelle voulez-vous chanter ? Oui. Allez, Isabelle, une petite chanson. J'ai pas entendu. Celle que vous vouliez chanter il y a quelques instants. René La Taupe. Ah non. Mais non, non, vous en avez une que vous avez lancée il y a quelques instants. Vous en avez d'autres. Alors, laquelle ? Allez-y. Ah si, René La Taupe. Allez, René La Taupe, ça sera fait, Julien. Allez. Bon, alors, ah, Audica, ah, il y a Audica. Oui, c'est lui qui chantait. Petit, mignon. Voilà, merci. C'est un diesel, mais il y a peu d'autonomie, vous voyez. Exactement, je vois ça. Il y a un truc merveilleux chez elle se fait rire toute seule. C'est extraordinaire. Oh là là. Allez, je vais vous souhaiter, non pas une bonne journée, mais beaucoup de courage. Pour la suite. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une excellente émission. À bientôt. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, l'émission qui règle les problèmes des auditeurs, qui dialogue avec ceux qui posent problème et qui négocie. Nous faisons les mêmes numéros que vous. Et nous allons tout de suite démarrer par du très fort, du très lourd. Nous devions au départ partir pour un voyage romantique. Il Il n'en est rien, Sébastien. Voilà ce qu'il nous a dit sur l'antenne d'RTL. J'ai réservé 2 billets d'avion et 2 nuits dans un hôtel. Avec ma femme, on voulait aller à Venise. À l'aéroport, on nous annonce que l'avion a 2h40 de retard. On nous prévient que l'on peut quitter l'aéroport et revenir plus tard. Mais l'avion finit par partir à l'heure. Et on est une quinzaine à avoir vécu cette situation. On aurait même pu voir partir l'avion sous nos yeux. Est-ce qu'il y aura un petit coup de gueule de Bernard Sabat tout à l'heure? Oui, je le pense. En gros, je n'ai jamais connu ça, Julien. Voilà, en 25 ans de carrière professionnelle, je n'ai jamais entendu ça. Donc c'est une grande première. Alors ça mérite à ce que fassent venir les meilleurs experts qui sont autour de moi. Il y a notamment Maître Felono La Divina qui est là. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'avocate spécialisée en pénal, la grande avocate de France, Maître Novakovic est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a 2 négociateurs, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour Julien. Je n'ai qu'un mot à dire. Vive la France. Vive la République. Et il y a un super cadeau à gagner ce matin encore. Une étape du Tour de France dans des conditions exceptionnelles. Et là, c'est une des plus belles étapes puisque c'est Berne, Finote et Mausson. C'est-à-dire qu'il y a de la montagne. Je ne sais pas où est Finote et Mausson. Est-ce que ça ne serait pas de l'autre côté? Je vois pas très bien où c'est. C'est à côté. Ils vont partir de Berne, Aigle, Saint-Maurice, Martigny. Ils finiront Martigny parce qu'ils vont s'arrêter au bistrot, évidemment. Attends, à un moment donné, quand tu pédales depuis 6 heures, t'as quand même le droit d'aller te faire un petit apéro avant d'attaquer le dernier col. Pour la gagner. C'est simple, alors il y a l'hôtel, il y a le survol en hélicoptère, il y a 2 nuits d'hôtel je crois, 32-10, touche numéro 2, et ensuite vous donnez la bonne réponse sur le Tour de France, quel est le véhicule qui circule derrière les derniers coureurs, est-ce la mobilette aspirateur ou la voiture balai? La voiture balai c'est la réponse 2, vous faites donc 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis de nouveau numéro 2, et ou alors vous faites le SMS RTL au 74-900. En fait c'est juste à côté de Berne. C'est un cadeau valorisé à 3000 euros ce matin que vous gagnez, comme vous dites. Allez, nous démarrons, si vous le voulez bien, maintenant avec l'histoire de notre ami Sébastien qui est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Alors vous nous appelez d'où Sébastien? La Roche-sur-Yon en Vendée. Parfait, que faites-vous dans la vie Sébastien? Je travaille dans un bureau d'études. Bon, alors Sébastien, nous partons maintenant avec vous à Venise, c'est parti. Le 26 mars dernier... Vous réservez 2 billets d'avion pour 337 euros et 2 nuits dans un hôtel, direction Venise pour un week-end avec votre épouse. Le 29 avril, vers 10h, vous êtes à l'aéroport et le décollage est prévu à 12h10. Vous avez donc 2h10 d'avance. À 11h, on vous explique que l'avion ne partira qu'à 14h50 car l'appareil est arrivé en retard. Qui va vous dire ceci, que l'appareil est en retard ? C'est le représentant de Volotea, celui qui se charge de l'embarquement des passagers. Donc à 11h, on vous dit qu'il part à 14h50, et comme une de vos amies vit tout près, eh bien vous vous dites, on va aller lui faire un petit bisou. Ce qui est validé par un agent à la porte d'embarquement, et quand vous revenez à 13h15, qu'est-ce que vous apprenez? Que l'avion s'est envolé à midi et demi. Si ça se trouve, vous l'avez vu partir. Parce que vous avez dû voir plusieurs avions partir, et le vôtre était peut-être là, sous vos yeux. Et si ça se trouve, et vous ne l'avez pas vu, mais le pilote vous a fait depuis le hublot un bras d'honneur, et malheureusement, vous ne l'avez pas vu parce qu'il était déjà un peu trop haut. Bon, alors vous retournez là-bas, et qu'est-ce qu'on vous donne comme explication? Pas vraiment d'explication. En fait, l'agent Volotea a été lui-même embêté. Parce que vous n'êtes pas le seul, vous êtes 15. Non, on est quasiment 20% de l'avion. Ce qui veut bien dire que vous n'avez pas inventé, parce qu'il pourrait très bien, c'est arrivé, hein, des gens qui vont faire des courses, qui oublient l'heure, qui reviennent et qui disent « on ne m'avait pas prévenu », etc. Ça arrive aussi tous les jours. Mais là, ils sont 15 à ne pas avoir pris l'avion, comme ils avaient 2 heures à aller se balader. Et il y a une lettre apparemment, Maître Felono. Oui, une attestation, ils l'ont même écrit. Hein. Ils disent « bah oui, on s'est trompé, on vous a dit que vous partiriez à 14h, mais c'est parti à 12h30. » L'attestation de GH Team, nous représentons la compagnie machin, nous attestons par la présente que le vol V machin au départ de Nantes et à destination de Venise a subi un retard de 2h40 en raison de l'arrivée tardive de l'appareil qui avait été retard qui avait été annoncé aux passagers, mais finalement le vol a été opéré à l'heure. Donc tout est marqué. On va dire que c'est un raté. Normalement ils doivent tout vous rembourser. Où en êtes-vous de ce côté-là s'il vous plaît Sébastien? Eh bien, le jour même, la compagnie m'a contacté par téléphone pour me proposer de me rembourser, ce que j'ai accepté. Oui. Je lui ai parlé des 2 nuits d'hôtel qui m'allaient être facturées. Ils ont dit, bon, envoyez-nous l'attestation, la fameuse attestation dont vous avez parlé. Oui. Et au bout de 7 jours, j'avais toujours pas été remboursé, bien que il s'est engagé à rembourser sous 7 jours. D'accord. Et puis, on va dire un mois après ou un mois et demi après, ben, le 7 juin, on m'annonce que non, finalement, il ne sera responsable de rien du tout. Éventuellement, si on veut, on peut avoir une compensation de 100 euros. Mais ça sent le coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Bernard Sabat. Les bras m'en tombent, Julien. Je n'ai jamais vu une compagnie low cost agir de cette façon. Franchement, hein, c'est la première fois que je vois ça. Vous ratez le vol, en disant vous ne mettez pas le vol en place, ou bien vous le décalez, peu importe la situation. Vous prenez vos clients en otage. Vous donnez des mauvaises informations à l'équipe dirigeante de l'aéroport pour dire le vol est décalé de 2 heures. Logiquement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est déjà enregistrer les clients. On enregistre les clients, on les fait attendre 2 heures. Évidemment, on leur offre un sandwich, une boisson, donc ça coûte cher. Mais ils ne l'ont pas fait, on leur a dit « revenez plus tard ». Donc on les a pris en otage, ils ont vu l'avion décoller pour certains. Je pense que la démarche est inadmissible. Donc déjà, il fallait qu'ils agissent très vite. Avant même le retour, ils auraient dû rembourser, Julien. On est bien d'accord, Maître Novakovic, que là, il va falloir rappeler et exiger le remboursement total du vol. Non seulement exiger le remboursement total, voire même demander une indemnisation, leur attitude est scandaleuse. Et il faut dire que s'ils refusent, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à saisir le juge de proximité pour demander un dédommagement et le remboursement du principal. Mais je pense qu'ils vont être raisonnables. Nous allons, dans une seconde, mesdames et messieurs, partir à Venise en gondole. Maître Novakovic est debout, derrière la gondole, avec le bâton pour pousser et la petite casquette avec les deux petits rubans. Et à l'intérieur, nous sommes tous là en train de nous pavaner. Donc elle pousse, parce qu'une gondole, quand il y a deux passagers, ça va. Mais quand on est 11 à l'intérieur, non, c'est plus la même dessus, musique. Là. Vous avez déjà été à Venise ? Oui. Alors, c'était très romantique. Très beau. C'est vrai ? Non, il faisait très froid en fait, c'est l'horreur. Il pleuvait, il faisait froid. Non, jamais. Parce que son mari lui a dit, écoute, je paie le billet pour aller à Venise, mais nous n'avons pas de quoi aller à l'hôtel. Donc ils ont dormi sur la place Tamar sur un banc et avec les pigeons qui leur tenaient chaud. Exactement. À tout de suite sur l'antenne d'RTL, nous lançons l'appel. Écoutez-moi bien, vous allez y assister à cette compagnie pour ce qui est, pour Bernard Sabat en tout cas, le scandale du jour pour notre auditeur. Vous vivez la même situation, vous faites tout de suite le 3210, vous faites Facebook, la page, ça peut vous arriver. Une spéciale voyage pendant un quart d'heure. J'attends vos appels. Vous ne savez jamais vraiment combien ça va vous coûter de changer vos plaquettes de frein ? Eh bien, Marie, si. Ouais, moi je le sais. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Marie est chez Noroto. Et maîtriser son budget, c'est facile avec les forfaits plaquettes Noroto. 3 forfaits tout compris, montage inclus, à partir de seulement 59 euros. Noroto. Modalités en centre et sur noroto.fr. RTL et BD Musique présentent les florilèges de l'histoire de la musique en bande dessinée. Johnny, Gainsbourg, Nina Simone, B.B. King, Elvis ou bien encore Bob Dylan pour passer un été en musique et en bande dessinée. Une collection de 7 albums à découvrir dès maintenant chez votre marchand de journaux avec RTL. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors ? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 euros hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6€ incluant 4360 euros de remise et 1500 euros de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Effectivement, sur l'antenne d'RTL, la magie de Venise n'a pas opéré puisqu'il devait partir de Nantes, Sébastien, et on lui annonce que son vol a 2 heures de retard. Avec l'accord du représentant local à Nantes, il va faire une petite course et il voit l'avion s'envoler. Et en fait, l'avion est parti à l'heure et aujourd'hui, on ne lui rembourse rien. C'est parti, l'appel est lancé. Bernard, s'il vous plaît, je crois que vous vous occupez de ce dossier. Oui. Une compagnie que nous connaissons bien, une compagnie italienne. Italienne, oui, qui est coutumier du fait. Malheureusement, on a déjà eu quelques incidents. Ça déplaît à notre rédacteur en chef italien, mais c'est la réalité. Alors, est-ce qu'on sait sur quoi il faut appeler? Alors, allez-y, faites. Nous attendons un peu, Julien. Voilà, là, on est sur une plateforme italienne à tous les coups. Nous sommes chez Volotea. Bonjour. Certo. On va parler en français. D'accord, parfait. C'est parti. Nous vous rappelons que pour plus de sûreté, notre conversation peut être enregistrée. C'est... Ah ben en plus, là, on n'est pas en position de force, je vous le dis. Avec, si vous avez un agent en français, tapez 1. Ah, un agent en français. Avec la victoire. Avec la victoire sur les Espagnols, ils doivent être gonflés à bloc. Vous aider. Si vous souhaitez faire une nouvelle réservation de voyage... Bon, on va appuyer sur 5 directement. Allons-y. 5. Nous sommes toujours chez Volotea. Bonjour, Patrick à l'appareil. Bonjour Patrick, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Patrick. Patrick, je vous explique, j'ai un auditeur de la radio RTL qui a pris un vol Volotea Nantes-Venise. Ce vol a été annoncé avec 2 heures de retard. Il y a d'ailleurs une attestation de la compagnie. Et donc lui, pendant les 2 heures, il est parti faire une course et finalement l'avion est parti à l'heure. Donc il l'a loupé, il n'est pas le seul, il y a 20 passagers qui l'ont loupé. Et ce monsieur veut le remboursement de son billet aujourd'hui et il semble ne pas pouvoir l'obtenir. Puis-je avoir quelqu'un, s'il vous plaît? J'ai tout ce qu'il vous faut, des numéros de confirmation au Volotea, j'ai l'attestation. Dites-moi juste à qui je peux parler, s'il vous plaît. Vous pouvez parler avec moi-même. Ah ben voilà. Écoutez, alors là, avouez que ça tombe bien. Puisque vous êtes là, je suis là, parlons. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour que ce monsieur... Déjà, est-ce que vous trouvez logique qu'il soit remboursé, monsieur? Alors, donnez-moi tout d'abord le numéro de confirmation. Bien sûr. W comme Walter, B comme Bécassine, D comme Dominique, M comme Marie, F comme Frédéric, N comme Nathalie. Et c'était le vol V7-22-12. Vous voulez quelques petites secondes pour regarder? Sur le computer? Oui, 29-22-12. Voilà. C'est un Nantes-Venise. Ouais, c'est un Nantes-Venise. Voilà, donc j'ai une petite attestation qui vient de quel organisme déjà, Maître Fellono? La petite attestation que vous m'avez montrée tout à l'heure. C'est le représentant de la compagnie d'aviation qui s'appelle GH Team. GH Team a fait une attestation de retard, que nous avons également. Est-ce qu'il vous faut un petit peu de temps, monsieur? Alors, l'attestation de retard, qu'est-ce qui est indiqué sur cette attestation? Alors, je vous la lis, monsieur, comme je l'ai lu à mes auditeurs il y a quelques instants. Nous, GH Team, représentants de la compagnie Volotea, attestons par la présente que le vol V7-22-12 du 29 avril 2016 au départ de Nantes-Atlantique et à destination de Venise, départ prévu 12h10, a subi un retard de 2h40 en raison de l'arrivée tardive de l'appareil qui avait été annoncé aux passagers, mais finalement, le vol a été opéré à l'heure. Et donc, 15 personnes, je crois, à peu près, n'ont pas pris le vol. Et il est bien... Voilà. Alors, comment peut-on faire? D'accord. Bah, écoutez, je vais vous laisser en attente 6 secondes. Je vais consulter ça avec un responsable. Merci beaucoup, monsieur. C'est exactement ce que je vous avais demandé il y a 5 minutes. Merci, mais c'est normal. Monsieur avait besoin d'en savoir un petit peu plus, mais je constate quand même que la conversation a démarré comme ça. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, voici mon problème. Est-ce que je peux avoir un responsable? Non monsieur, je vais m'en occuper moi-même. Eh bien monsieur, je vous donne tout. Alors monsieur, que faisons-nous? Je vais aller voir un responsable. Merci monsieur, et viva Italia! Mais non, pas Espagna. Nous sommes à Volotea, Hervé Pouchol. Donc, nous allons voir. Elle, comment dit-on? Tenez, prenez le micro à la hasard, vous êtes italien, et traduisez pour nos amis italiens qui suivent ce dossier. Nous allons avoir un responsable. Un capo, il capo. Vous ne pensez qu'à ça? Ben allez acheter vos capotes, et nous pendant ce temps-là... Franchement, à la hasard, je trouve ça très déplacé. Julien, on va il se capo, retrouver. C'est le chef. Ah pardon. Donc nous allons avoir il capo dans quelques instants. D'ailleurs, vous allez le fermer, vous il capo, comme ça, on aura moins de bruit. Et on se retrouve dans une seconde avec un deuxième cas, ça sera celui, si vous le voulez bien, d'Evelyne, je pense. Evelyne qui a une proposition de son courtier, écoutez bien. On a changé de mutuelle parce qu'on devait être mieux remboursé. Mais alors qu'on devait être indemnisé de 450 euros pour des optiques, on ne nous rembourse que 300 euros. Figurez-vous qu'en cours de route, on nous a modifié le contrat sans nous avertir. On se retrouve dans quelques instants pour ce dossier et bien d'autres. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1 RTL. Nous attendons des nouvelles d'El Capo sur RTL. RTL.

technique. D'accord. Bon, alors on va essayer d'avoir le siège au ciel. Alors, on vous allait donner l'adresse email de ce monsieur, voir si ce monsieur reprend. Mais vous voyez aussi, mes chers amis, que c'est ça le problème de certaines compagnies. C'est qu'aujourd'hui, ce monsieur donc, n'a pas pu prendre son vol. Il a fait réclamation. D'accord. Le monsieur qui est au bout du fil ne retrouve pas la réclamation et dit il faut refaire une réclamation. Et quand on demande à parler à quelqu'un, on vous dit... Ah si. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Je ne vous ai pas dit ça. Non, excusez-moi. Vous me dites quoi? Je vous ai dit que j'ai pas dit que je ne trouvais pas la réclamation. J'ai dit que vous m'avez donné. Attendez. Vous l'avez, la réclamation. Bon, monsieur, vous ne l'avez pas sous les yeux, on ne va pas passer deux heures à chercher. Il a fait des réclamations, je vous ai donné un numéro de dossier. D'accord, dans le numéro de dossier, vous ne retrouvez pas. Et vous me dites qu'il n'y a pas de numéro pour appeler les réclamations. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit le numéro de dossier, je le retrouve. Alors, maintenant, vous venez de me dire il y a quelques minutes. Oui. Vous avez donc la personne au téléphone, l'usager, le passager, il a dit qu'il a fait une réclamation. Donc là, je dois voir s'il a fait vraiment la réclamation. D'accord. Alors, on va vérifier et nous, on va appeler le siège, si vous voulez, en parallèle. Alors, essayez de rechercher la réclamation. Maître Novakovic. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maître Novakovic. Je voulais juste vous préciser que vous avez intérêt à trouver une solution aujourd'hui, parce que sinon, il va saisir le juge de proximité, demander dommages et intérêts, et ça va vous coûter très cher. En Espagne, monsieur. Il peut faire ça. Mais il va falloir faire ce qu'il veut, parce que de toute façon, c'est le lieu d'exécution. Mais peu importe, ça suffit maintenant. Bah, il est pour rien, le monsieur, qui est au bout du fil. Non, mais c'est énervant. Alors, faut pas le fâcher. Lui, il fait son boulot. Vous allez être responsable tout de suite, qui résolve le problème immédiatement. Bon, ok, d'accord. Merci, oh là là. Maître Novakovic, excusez-nous, mais elle a mangé de la rissa à midi. Non, mais c'est énervant, c'est énervant. Alors, nous avons quelqu'un? Oui, allô? Allô, oui. Alors, je vois bien qu'il y a une réclamation animée qui a été envoyée. Comme par hasard. D'accord. Non, pas comme par hasard, monsieur. Je suis désolé, c'est pas comme par hasard. Mais monsieur, attendez, si, monsieur, je vais vous dire pourquoi on a dit. Monsieur, écoutez-moi, soyez sympa. Je vais vous dire pourquoi on a dit comme par hasard. Vous faites votre boulot, monsieur, et j'apprécie que vous nous parliez. Mais je voudrais juste remettre les choses dans le contexte. Il y a quelques instants, je vous appelle donc pour vous faire part d'un dysfonctionnement chez vous. Et vous me dites, il faut que ce monsieur fasse une réclamation. C'est ce que vous m'avez dit. Donc ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de chercher. Vous avez tout de suite botté en touche en disant, allez, vas-y, faire une réclamation. Et là, maintenant, en insistant un peu, et dès que Maître Novakovic hausse le ton, vous cherchez un peu, vous tapotez un peu sur l'ordinateur, et comme par hasard, la réclamation sort. Est-ce que vous imaginez le temps perdu par tous les gens qui ont fait réclamation et à qui vous dites il faut faire une réclamation? Est-ce que vous avez conscience de ça, monsieur? Oui, j'ai conscience. Oui. Bon. De toute façon, la réclamation, elle est bien au service réclamation, et ils recevront une réponse. Mais une réponse, le problème, c'est que pour le moment, ils n'ont pas la réponse, mais c'est une réclamation qui est en cours. Ok, c'est très clair. Bernard. Monsieur, juste un mot pour vous dire encore que malheureusement vous dites n'importe quoi, parce qu'il y a eu une réponse qui a été donnée par la compagnie Volotea en disant monsieur, on n'est pas d'accord sur justement l'incident, mais on va quand même vous rembourser, éventuellement faire un avoir de 100 €. Ce n'est pas sérieux. Ah, Bernard, monsieur, on va pas s'énerver bêtement. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me passer un responsable? Nous sommes sur une antenne de radio très écoutée, ça serait bien compagnie. Je peux pas vous passer responsable. Voilà, bon, alors ok. Donc au moins les gens savent maintenant, quand vous prenez un vol chez Volotea, j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de soucis, parce qu'après, pour arriver à se faire entendre, vous l'avez en direct, vous venez d'entendre ce monsieur, il a la réclamation, mais en fait il l'a pas, mais en cherchant, il la trouve, il ne peut vous passer personne, et c'est comme ça. Monsieur, c'est bien dommage. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est gentil d'être d'accord avec moi. J'ai la pression, je me suis senti pressionné, j'ai pas. Non mais monsieur, vous n'êtes pas pressionné, comme vous dites. Vous êtes pressionné, monsieur, parce que vous nous dites, je n'ai pas eu de réclamation, et ce qui est juste gênant, monsieur, c'est de ne pas chercher à savoir si vous avez une réclamation. Vous avez botté en touche, et si on n'avait pas insisté, eh bien, il aurait fallu qu'on demande à ce monsieur de refaire une réclamation alors qu'il en est à la troisième. Mais c'est pas grave. Rassurez-vous, tout va bien, monsieur. Oui. On va faire différemment. Merci, monsieur. Je vous souhaite une belle journée. Très bien. Voilà. Bernard, nous allons essayer d'appeler le siège. Nous appelons donc quelqu'un chez Volotea, s'il vous plaît, qui puisse nous expliquer comment ça se passe dans cette compagnie. Parce qu'inutile de vous dire que là, on est quand même très inquiet de la façon dont ça se passe et le traitement du client. Encore un soir, Céline Dion, et nous attaquerons en parallèle avant d'avoir le siège, mais on va aller jusqu'au bout sur ce dossier. Un deuxième cas. Voici Céline Dion sur l'antenne d'RTL. N'oubliez pas qu'il y a une étape du Tour de France à gagner en hélicoptère. Juste répéter qu'il y a une étape du Tour de France de montagne, une des plus belles, en hélicoptère de nuit d'hôtel, 32-10. Touche numéro 2, puis encore numéro 2, ou SMS RTL au 74-9. Voilà. Pardon Céline. Non mais il faut s'excuser. Et maintenant voici cette chanson de Joshua Goldman. Elle vous excuse. Une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier. Mentir et ma mémoire. Et ses visages d'enfant. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre. Ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée. J'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et

Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. Au moins 36 morts et 147 blessés. L'aéroport international Atatürk d'Istanbul en Turquie cible hier soir d'un triple attentat suicide. Attaque qui semble porter la marque de l'État islamique, même si Daesh ne l'a pas revendiqué pour l'instant. Les trois assaillants ont mitraillé les passagers et policiers avant de se faire exploser. C'est l'attaque la plus meurtrière dans la capitale turque qui a déjà été visée trois fois cette année. Manuel Valls, le premier ministre français est en train de s'exprimer. Il vient de déclarer à l'instant sa solidarité et le soutien de la France envers le peuple turc. L'Écosse joue sa partition européenne. Sa première ministre, Nicola Sturgeon, sera reçue en fin d'après-midi par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'Écosse qui a déjà annoncé sa volonté de rester dans l'Union européenne après le vote en faveur du Brexit. L'Union et ses chefs d'État à Bruxelles aujourd'hui réunis à 27 pour la première fois sans le Royaume-Uni. Le Brexit, en tout cas, n'a apparemment pas déclenché de volonté d'émancipation chez les Français. 45% d'entre eux sont favorables au maintien dans l'Union. Il ne serait que 33% à voter pour un Frexit. On compte tout de même 22% d'indécis. Tout cela sont ce sondage TNS Sofres pour RTL, Le Figaro et LCI. L'association de défense des animaux L214 a porté plainte pour maltraitance et actes de cruauté contre deux abattoirs du sud de la France. Celui de Pézenas dans l'Hérault et du Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. L214 avait publié dans le journal Le Monde des images illustrant les mauvais traitements infligés aux animaux dans ces deux établissements. La Cour des comptes s'inquiète. Aujourd'hui, les nouvelles dépenses engagées par le gouvernement depuis le début de l'année remettent en cause, selon elle, la réduction du déficit public. L'objectif de 2017, fixé à 2,7% du produit intérieur brut, risque de ne pas être atteint. Et puis un succès pour Alstom Transport. Le consortium emmené par le groupe français a remporté un contrat de 2,6 milliards d'euros pour l'extension du métro de Dubaï. 15 km de lignes et 50 trains, tout cela pour acheminer le public vers le site de l'exposition universelle prévue en 2020. Un mot du temps variable aujourd'hui avec un peu de pluie près de la Manche et des orages en fin de journée sur les massifs des Pyrénées et au sud du massif central. Ailleurs, des éclaircies et un ciel souvent voilé. Les températures de 17 à 33 degrés cet après-midi de la Manche à la Provence. Comptez 21 à Nantes, 23 à Paris et Nancy, 29 degrés à Toulouse ou encore 31 à Lyon. Les courses à Maison Lafitte. Aujourd'hui, Bernard Glass vous propose de jouer le 13, le 6, le 14, le 8, le 5, le 4, le 12 et le 10. 13, 6, 14, 8, 5, 4, 12 et 10. Sa dernière minute, c'est le 12, ça en secret. Il est 10h03, vous écoutez RTL. Ça peut vous arriver, continue maintenant avec Julien Courbet. Merci beaucoup, d'autres infos tout à l'heure avec vous. À partir de 11h, ce matin, je vous le rappelle, nous traitons plusieurs dossiers. Nous avons démarré il y a quelques instants, à 9h30, par un cas extraordinaire, celui de Sébastien, avec cette histoire de Venise. J'ai réservé deux billets d'avion et deux nuits dans un hôtel. Avec ma femme, on voulait aller à Venise. À l'aéroport, on nous annonce que l'avion a 2h40 de retard. On nous prévient que l'on peut quitter l'aéroport et revenir plus tard. Mais l'avion finit par partir à l'heure. Et on a une quinzaine à avoir vécu cette situation. On aurait même pu voir partir l'avion sous nos yeux. Nous avons appelé alors un sympathique opérateur de la compagnie qui malheureusement ne pouvait rien pour nous. Mais surtout, ce qui nous a mis un petit peu en colère, c'est qu'il nous dit, messieurs, au vu de ce que vous venez de me raconter, il faut que votre auditeur fasse une réclamation. Et on lui dit, il a déjà fait une réclamation. Non, non, qu'il appelle le service. Et finalement, en insistant un peu, il s'aperçoit, ah oui, il a vraiment fait réclamation. Ce qui veut dire que quand on a envie de botter en touche quand quelqu'un a un problème sur ses plateformes, il y a une fiche toute faite dans laquelle il y a marqué, dites-leur qu'ils fassent réclamation, même s'ils ont déjà fait réclamation, on gagnera un petit peu de temps. Est-ce que vous avez avancé, Bernard ? Oui, pendant les informations, donc après 22 minutes de discussion en tout, depuis 9h30, on m'a dit la chose suivante, que nous n'avions pas le droit, Julien, sachez-le, en Espagne, on n'a pas le droit d'appeler les gens à l'antenne en direct, parce que ça leur plaît pas, donc d'accord. Sachez-le, donc déjà, ils ne vous aiment pas, c'est la deuxième chose, et moi, alors, ils me détestent, voilà, donc au moins, c'est clair. Ils ont quand même pris mon portable, à ma grande surprise. Ils ont dit qu'en tout cas, ils ne nous appelleraient pas avant 11h et qu'on peut faire un feuilleton. On verra bien. Voilà. Bien. Mais voilà, on en est resté là. Volotea. Alors, on essaie d'avoir quand même... Là, vous avez appelé le siège. Non, là, on nous a demandé... J'ai demandé qu'on passe le siège. Ah. Il n'a pas voulu me passer le siège, évidemment. Ben vous allez... On a un numéro, apparemment, peut-être, de siège que l'on va appeler maintenant, le 00, la 34. Nous allons le faire dans quelques instants. Vous préparez-le et dès que vous avez quelqu'un, vous m'appelez. De votre côté, Hervé Pouchol. En parallèle, j'ai appelé la Direction Générale de l'Aviation Civile. J'ai eu une personne charmante qui m'a dit, écoutez, demandez à votre auditeur d'appeler le bureau Mission Droit des Passagers. Je trouve que cette affaire est très curieuse. Bien. Et vous, Maître Novakovic? Un conseil à Sébastien, hein, d'avoir qui a un très beau prénom, c'est le prénom de mon fils, hein, je vous le dis, entre parenthèses. Je sais que tout le monde s'en fiche, belle mais info, je vous le dis. Et donc, je dis que Sébastien, il faut absolument écrire à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Parce vous me présentez, vous n'avez rien écouté de ce qu'il dit. Si, j'ai entendu, mais il doit écrire parallèlement, justement, et j'ai vu ça avec Alain, avec mais Bernard. C'est ce qu'il dit, Hervé, vous a dit qu'il fallait qu'il écrive. C'est ça, Hervé? Oui, qu'il fallait qu'elle le contacte pour ouvrir un dossier. Également écrire par courrier commandé pour que la direction, justement, se mette en relation avec eux et vraiment fasse une enquête. Mais je voudrais qu'on appelle le siège, s'il vous plaît. Et surtout, là, j'ai un truc complètement inédit à dire dans ce dossier. Il faut qu'il écrive à la Direction de l'Aviation Civile. Oh, ça va, Julien. Là, je viens de sortir bon. Ça, je viens d'y penser, je suis le seul. Mais apprenez-le par cœur. En fait, on s'adapte à tous les publics. On s'adapte aux jeunes. Et il y a aussi des. Par exemple, vous rappelez peut-être des Télétubbies pour les tout petits. Dans les Télétubbies, le sketch repasse 4 fois d'affilée. C'est 4 fois le même parce que les petits, ils mettent du temps à comprendre. Et on se dit que s'il y a des gamins de 4 ans qui nous écoutent, on fait la même chose. Donc vous avez Tinky Winky qui a dit il faut appeler et écrire à l'Aviation Civile. Après, il y a Lala qui est revenu, il faut écrire à l'Aviation Civile. Et moi qui suis peau, je viens de vous dire, je suis même popo parfois. Il faut écrire à l'Aviation Civile. Voilà, comme il faudra le dire la prochaine fois. Voilà, donc j'ai compris maintenant. Je serai pas là, n'oubliez pas. Nous allons nous surnommer maintenant les Teletubbies. Yes. Le cas numéro 2, Evelyne arrive dans une seconde, mesdames et messieurs. Elle doit commencer à trouver le temps long, ma Evelyne, mais elle sait que c'est toujours priorité au cas précédent. Cette histoire de proposition d'un courtier, ça va se passer sur l'antenne RTL. Sans oublier qu'il y a une étape du Tour de France, hélicoptère, petit déjeuner, 3 jours, 2 nuits, suivez-la au pied de l'hélicoptère. C'est Skoda qui vous offre ça avec RTL. 3210, touche numéro 2, puis encore numéro 2. SMS RTL au 74-900. Allez, à tout de suite pour le cas numéro 2 sur RTL. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant 3 lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro-6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Carrefour. Dis maman, t'es au courant qu'en ce moment c'est la deuxième démarque chez Carrefour? Ah bon, une deuxième démarque? Mais c'est sur quoi? Alors écoute-moi bien, on a jusqu'à 70% d'économie sur encore plus d'articles au rayon textile. Mais c'est super ça! Allez viens, on va chez Carrefour toutes les deux. Tu vas pas en croire tes yeux. Les soldes continuent sur encore plus d'articles chez Carrefour. Profitez d'économies allant jusqu'à 70% sur le rayon textile. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous attaquons le deuxième cas, celui d'Evelyne. Evelyne, bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL, Evelyne. Oui, bonjour Julien. Bonjour Evelyne, on a l'impression qu'on est à une assemblée et que nous sommes à une commission du Sénat. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en commission plénière. Il y a là Maître Fellonneau qui est avec nous. Bonjour Maître Fellonneau. Il y a Maître pour étudier le cas de Evelyne qui est venue devant le Sénat nous expliquer son problème. Alors Evelyne, le 26 novembre 2015, suite à la proposition de votre courtier, vous souscrivez à une nouvelle mutuelle pour 170 € par mois parce qu'elle rembourse mieux. Le contrat précise que vous êtes remboursé de 450 € en ce qui concerne l'optique sur monture et verre. En mai dernier, votre mari est obligé de changer ses lunettes. Est-ce qu'il n'y voyait vraiment plus rien, Evelyne? Il est quoi, votre mari? Il est myope. Il est myope, d'accord. Ah, on me fait un petit signe, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez prendre le micro ? Ah, mon micro n'est pas droit, me dit-on. Ok, parce qu'il me faisait un signe, j'avais mal pris ça, mais en fait, je pensais que c'était une injure, mais pas du tout. Donc, votre mari est myope, il est obligé de changer ses lunettes, il achète une nouvelle paire pour 539 €, et surprise, quelques jours plus tard, l'opticien vous recontacte et vous apprend que la mutuelle ne va rembourser que combien, Evelyne ? 300 €. 300 €, alors que sur le contrat, il est marqué combien, Evelyne ? 450. Et vous me le confirmez, Maître Fellono ? Oui, c'est la garantie initiale 4, c'est-à-dire la garantie maximale. Et effectivement, c'est écrit monture et verre, 450 €. Et là où ça devient formidable, Evelyne, c'est que votre opticien a contacté, il est sympa votre opticien, il a contacté votre mutuelle. Et qu'est-ce qu'il a appris, l'opticien ? Qu'on ne le remboursait que sur soi, 300 €. Non, mais il a pas, ça on le sait, mais il a appris autre chose, c'est que le contrat a été modifié. Ah oui, que le contrat a été modifié, oui. Sans que vous soyez au courant et que vous ayez signé quoi que ce soit. Eh ben voilà, c'est exactement. Marrant. Mais ça, c'est génial. On vous vend des contrats, vous payez pour un remboursement genre à 400, et puis dans votre dos, on dit, eh ben non, on a changé. On a réfléchi, on s'est dit que c'était pas notre intérêt, on va vous rembourser que 200, sans vous prévenir. Non, mais... Unilatéralement, alors que c'est un contrat, on dit synalagmatique, c'est-à-dire que pour être formé, il faut l'accord des deux parties. Évidemment, la compagnie propose et nous, on accepte, mais on accepte en notifiant sa signature. Tant qu'il n'y a pas un avenant, c'est-à-dire une modification du contrat, le contrat initial reste valable. Donc c'est 450 € quoi qu'il arrive. Il y a de beaux cas ce matin, hein, des cas où vraiment j'ai l'impression qu'on se moque un petit peu de vous les amis. Et heureusement qu'on est là pour secouer un peu le cocotier parce que c'est pas normal ces histoires-là. Alors peut-être qu'il y a autre chose derrière ce dossier qui nous a échappé, c'est pour ça que nous appelons, comme nous le faisons chaque jour, pour laisser la parole à la partie adverse. Hervé, c'est parti, nous lançons l'appel à la mutuelle. Nous allons à Nice, sur la promenade des Angliches. Anciennement, promenade des Rosemilles. Nous recherchons actuellement votre contact. Imaginez, un panneau promenade. Allô ? Non, c'était un répondeur, Hervé. Ah bah oui. C'est la promenade du Brexit maintenant. Écoutez. Un jour, nous partirons sur une feuille d'érable pour parcourir le monde. La volupté de tes cheveux caressant l'air et tes beaux yeux, tu te coucheras tout près de moi. Ouais. J'enlèverai mes bottes, je mettrai les menottes. Ah non, arrêtez. Non. Il faut toujours que ça dégénère. Ouais. Mais oui. Mais c'est quand même incroyable, Maître Fellono. Il y avait aussi culotte. Oui, vous avez raison. J'allais y venir. Mais j'étais en train d'enlever mes bottes. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Je commence par directement en menottes. Vous avez raison. Il vaut mieux d'abord s'occuper de la culotte et garder les bottes s'il le faut. Bon, on va marquer une petite pause. Oui, Maître Novakovic. Non, vous oubliez le fouet. Ah non, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il fallait une rime en ouais. Oui. On a un deuxième numéro. Moi, l'enregistrement, je le referai. Hein. C'est un enregistrement amateur, ça. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Vous avez raison. Sinon, on a un deuxième numéro. C'est peut-être un stagiaire musique. On y va. Deuxième numéro pour la mutuelle pour Evelyne. Evelyne, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Ah, le deuxième ne marche pas, Marie. Le deuxième numéro ne fonctionne pas. C'est vrai ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien ? Bah, pour l'instant, non, il n'y a rien. Mais peut-être hyper occupé. Hein, On laisse la musique. D'ailleurs, on va voir combien de temps le pianiste va tenir. C'est une guerre des nerfs qui démarre entre lui et moi. Et on va faire des points piano régulièrement. Je vous propose maintenant de revenir dans quelques instants sur ce qui s'est passé hier. Nous le faisons chaque jour. On fera de l'instantané sur ce qui s'est passé hier après avoir écouté le fabuleux Seven Years. Seven Years de Lucas Graham. Et j'espère que vous passez vraiment une belle journée. Voyez, d'un piano comme on va à notre piano. Ah, c'est pas celui de la mutuelle, celui-là. Hein. Là, celui-là est un peu plus récent, on est d'accord. Oui, oui. Lucas Graham. Le son est meilleur. Ah, bah oui, bon, on était au téléphone aussi. N'accablons pas la mutuelle. Lucas Graham sur RTL. Allô, alerte, on revient sur Lucas dans une seconde. Allô, la mutuelle ? La mutuelle. Oui, Néoliane ? Bonjour, Néoliane. Je suis Julien. Bonjour. Ça va bien ? Oui, et vous ? Ah, super. Je vous appelle car nous sommes en direct sur la radio RTL et j'ai besoin d'avoir un responsable, s'il vous plaît, madame, concernant un remboursement qui n'est pas entier. C'est-à-dire qu'une dame s'est fait rembourser qu'une partie de ce qu'on lui doit sur son contrat. À qui puis-je m'adresser ? D'accord, alors s'il vous plaît, monsieur, restez avec moi au lit, je vais vous reprendre tout de suite, parce que là, on est le service client, d'accord, on n'a pas accès à ces remboursements, mais je vais vous reprendre dans quelques secondes. D'accord, madame, je patiente, à tout de suite, merci. Merci. Voilà, écoutez, là aussi, c'est une fiche qui est lue, mais au moins, elle est bien lue. Oui. Sympathique. Elle est sympathique. Avec un petit accent exotique charmant, moi j'aimerais bien parler, je sais pas, le scandinave, comme elle parle le français. Mais elle n'est pas scandinave, pourquoi vous dites ça ? C'est pas un accent français. Pas du tout, non, je pense que c'est une plateforme, à mon avis. Ça sent la plateforme, mais ça, laissons-lui, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Après tout, les entreprises ont tout à fait le droit de mettre des plateformes, ça ne nous regarde pas. Ce qu'on demande juste, c'est que quand on a un interlocuteur, il réponde à nos questions et il ne lise pas un papier. Sinon, autant aller sur Internet et lire la fiche nous-mêmes. Et exactement, des réponses bêtes, c'est idiot. Ça ne sert à rien, on n'avance pas. Allez, repartons. Tu étais là, Sylvie, près du lac. Et tu marchais. Tu marchais sur l'eau comme Jésus. Ah non, pas une autre alerte. Si, une deuxième alerte. Je suis désolé, Lucas Graham va se fâcher, je vous le dis. Oui, Hervé Pouchol, que se passe-t-il ? On repasse la jeune femme. Hein. Déjà, bon, rebonjour, ouais. Madame. De nouveau, Julien Courbet, oui. En direct sur RTL. D'accord. Alors, monsieur, pour les remboursements, il faut voir avec un autre service. Je vais vous donner son numéro de téléphone, parce que malheureusement, ça reste confidentiel. Mais bien sûr. Et j'ai pas accès à ce genre d'informations. D'accord, d'accord, madame. C'est très sympa, je le note. Hervé, vous le reprenez ? Je le reprends. Troisième poème, troisième. On y va. Maître Novakovic, vous marchiez le long du lac. Je vous préviens que s'il y a une alerte, là, je vais vraiment me fâcher. Donc on va l'écouter cette fois-ci, le Lucas Graham, le pauvre, avec ses manières, en vous souhaitant le plus beau des mercredis. Vous êtes sur RTL, la première émission de France. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. My daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll 60 years old, my daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Lucas Graham sur l'antenne d'RTL avec Seven Years. Je vous rappelle que le deuxième numéro de l'émission Faut pas abuser, c'est mardi 12 juillet à 21h sur D8, où on aide les gens comme on le fait à la radio, mais là on le fait à la télé. Aider de stars qui sont autour de moi, c'est elles qui appellent avec moi pour régler vos problèmes. Donc ne manquez pas cette émission si vous n'avez pas vu la première. Faut pas abuser, D8, le 12 juillet 21h. Où en sommes-nous, nous, du côté de Voléa, comment s'appelle la compagnie déjà ? Volotea, merci. Volotea, on attend toujours d'avoir le siège et d'avoir un représentant pour cette histoire grotesque de retard qui n'a pas eu lieu. Pour ce qui concerne le courtier, du côté de la mutuelle, Hervé, est-ce que ça bouge, s'il vous plaît ? Je suis en train de joindre le service remboursement. On avance progressivement. On se bat comme des diables. On fait un petit point sur les cas d'hier, puisqu'on vous donne des nouvelles. C'est un feuilleton chaque jour de ce qui s'est passé la veille. Restez avec nous juste après ceci sur l'antenne d'RTL. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi ? 99 euros par mois. Alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Valises ? Mais on part qu'un week-end ! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping ! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles ! J'ai pas pu me retenir ! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Cendrillon, ce monsieur bricolage, besoin d'un coup de main ? Oh, ma belle-mère m'a demandé de rafraîchir les murs du château, comme si je n'avais pas assez de travail. Pour masquer leurs imperfections, je vous conseille la peinture Corona 12 litres, mur et plafond blanc mat à 29,90 euros. Et en plus, bénéficiez de 5 euros en bon d'achat immédiat. 29,90 euros ? Fantastique ! Dommage que ça ne masque pas les imperfections de ma belle-mère. Oh. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Soit 2,49 euros le litre. Conditions et participants sur monsieurbricolage.fr. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Nous vous donnons des nouvelles de ce qui s'est passé hier. Le feuilleton continue. Nous avons eu le cas de Ali hier, rappelez-vous, sur RTL dans le 9h30-11h. J'ai acheté un téléviseur sur un site que j'ai payé 1000 euros et je ne suis pas prêt d'en racheter sur Internet. Le mien est tombé en panne il y a plusieurs mois et il n'est pas réparable. Et j'attends toujours que l'on me rembourse. Nous avons hier appelé tout le monde. Normalement, le virement va avoir lieu. On ne l'a pas encore, mais il devrait arriver d'une minute à l'autre. Dès que nous l'aurons, nous vous le dirons. Mais normalement, ça se confirme. Michel, électricien, a sous-traité. Le pauvre, il regrette. Je suis électricien. J'ai travaillé en sous-traitance. On me doit près de 12 000 euros. Hier, nous avons essayé de parler au gérant, Monsieur Bor, Monsieur Spiro. Il n'était pas disponible. Il y avait une sorte de centre d'appel pour la société SARL SBS Bâtiment. Vous les avez eus dans l'après-midi, Sarah. Et ça s'est pas bien passé. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais pas du tout. Ils m'ont carrément défrisé, Julien. C'est le cas de le dire. Du moins, Monsieur Spiro, qui s'est mis à hurler au téléphone. J'ai pas réussi à en placer une. Il m'a expliqué tout simplement que notre émission, en fait, faisait simplement n'importe quoi. Des méthodes de voyous, je cite. Donc, il ne veut rien avoir à faire avec nous. Alors, je me suis permise de rappeler Monsieur Bor, qui était à côté de Monsieur Spirou, qui m'a expliqué la même chose, mais de façon un petit peu plus classe. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à leur avocat, et donc ils vont gérer ça avec la justice. Eh bien, nous ferons un point régulièrement, et nous allons, à partir de maintenant, ne plus les appeler, puisqu'ils ont tout à fait le droit de dire ne nous appelez plus, mais ils n'ont pas le droit de nous empêcher de faire parler l'auditeur et client à qui ils devraient une petite ardoise de 12 000 euros, puisqu'ils l'ont fait travailler et ne l'ont pas payé. Donc, régulièrement, notre auditeur nous donnera des nouvelles sur l'antenne d'RTL. Le premier point sera, Sarah, pour vous le noter, lundi prochain, et nous verrons, et tous les lundis de l'année prochaine, il donnera des nouvelles pour savoir si on lui a payé ou pas ses 12 000 euros ou si un accord a été trouvé avec la société en question dont j'ai perdu la fiche, mais que l'on va retrouver SARL SBS Bâtiment. La SARL SBS Bâtiment. Voilà, c'était donc la position de David Bor et Serge Spiro. Il me reste un cas d'hier à faire, je le fais très rapidement car nous avons une alerte. Elle est pressée, l'alerte ? Oui, elle est pressée parce que j'ai le service gestion pour le cas de Evelyne et sa mutuelle. Il est en ligne et là, j'ai une autre jeune femme qui est je en ligne. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil. Est-ce que vous êtes au courant de notre appel ? Je suis sur la radio RTL ce matin. Alors, vous savez pourquoi je vous appelle ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, alors madame, concernant ce remboursement qui devrait être plus important puisque c'est ce qui est marqué sur le contrat ? Alors nous, je disais qu'on avait envoyé un courrier le 26 janvier 2016 à l'adhérent. Oui, en lui disant quoi ? En lui disant qu'il y avait un avenant au contrat Neolian initial. Oui. Que les garanties, du coup, évoluaient. Et oui. Qu'il y avait un changement des garanties au pied. Alors, madame, que vous changez les garanties, ça c'est une chose, mais j'ose espérer que la cliente a signé cet avenant, parce qu'on ne peut pas changer les garanties comme ça. C'est comme si votre patron vous disait, bah, à partir de demain, tu ne vas plus être payé 2000 euros, tu vas être payé 1500 euros, j'ai pris la décision tout seul sans t'en parler. Elle a signé quelque chose. Toi, c'est pas RTL2. RTL2, c'est le son pop-rock. Nous, c'est rock, mais c'est pas pop. Est-ce qu'elle a un papier signé, cette dame? Alors, ne quittez pas. Hein. Voilà, madame, écoutez, pour qu'on perde pas de temps, vous pourriez me passer un responsable chez Neoliane? Alors, écoutez, là, c'est un centre d'appel. On va appeler le groupe Santiane, s'il vous plaît, tout de suite et sans plus tarder. Hervé, ça sert à rien. Par la plateforme, on n'aura rien. Mais vous avez entendu, Maître Filono et Maître Novakovic, on lui a envoyé un avenant pour la prévenir. Vous n'avez pas signé d'avenant, Evelyne, rassurez-moi, sinon je vais passer pour un couillon. Ah, moi, je n'ai absolument reçu aucun courrier. Mais de toute façon, déjà, il faut qu'il le justifie. Alors, excusez-moi, Evelyne, on n'a rien entendu de ce que vous avez dit. Allez-y. Je n'ai reçu aucun courrier et je n'ai rien signé. D'accord. Aucun avenant. Oui, maître. Oui, mais alors voilà, donc on a toute raison de croire notre auditrice, et si c'est le cas, la modification n'est pas possible. C'est, les gens qui n'acceptent pas un avenant, la compagnie peut en tirer une conséquence, c'est-à-dire qu'elle résilie leur contrat parce qu'elle ne veut plus de leur donner ce genre de garantie, donc elle résilie. Quand bien même, non, mais quand bien même, ça c'est intéressant, ça veut dire qu'une compagnie a le droit de dire, écoutez, on s'aperçoit qu'on vous rembourse trop, donc on met fin au contrat. Elle a le droit comme ça du jour au lendemain? Absolument pas, il y a un contrat, ça fait loi entre les parties, donc il aurait fallu que l'avenant soit signé de façon contradictoire, donc elle aurait dû signer également cet avenant. Objectif, pardon, pour Hervé Pouchol, essayer d'avoir le secrétariat de Pierre-Alain de Malraix. Pierre-Alain de Malraix est le président de Neoliane, qu'on essaie de comprendre. Il y a forcément quelque chose derrière. Je ne peux pas croire comme ça qu'une mutuelle décide tout d'un coup de dire les lunettes, on les rembourse plus 500, on les rembourse 300, bien que vous ayez signé un contrat pour 500. Là, je suis avec un responsable, donc sinon je veux bien appeler le secrétariat. Bonjour. Passez-le-moi. Voilà. Bonjour monsieur, Julien Courbet. Bonjour. À l'appareil. Alors monsieur, je ne sais pas si vous êtes habilité à me répondre. Simplement, donc Evelyne a un contrat. Ce contrat stipule que les lunettes sont remboursées 450 € et quand elle change les lunettes, on lui rembourse 300. Et quand elle demande pourquoi 300 et pas 450, on lui dit on vous a envoyé un avenant pour vous prévenir qu'on rembourserait moins. Mais cet avenant, elle ne l'a pas signé. Enfin, on la met devant le fait accompli. Donc je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Alors, oui, effectivement, je reprends le sujet. Un avenant a été adressé à tous les adhérents. Ouais. Courant décembre 2015, informant... je sais, monsieur. Mais voilà. Est-ce que c'est normal d'envoyer un avenant sans... C'est-à-dire qu'elle, elle a payé une mutuelle pour avoir un remboursement à 450 et vous décidez du jour au lendemain que ça ne sera plus 450. Elle ne signe rien, elle ne donne pas son accord et vous changez... Elle n'a même pas reçu. Bon, ça encore, admettons qu'elle l'ait reçu. Et il faut qu'elle soit d'accord, monsieur. C'est comme d'accord, si... Nous sommes une plateforme de service. Nous voilà, c'est ça. Effectivement, pour Neoliane, bon. Santiane, et à ce titre-là, on a distribué cet avenant. Je suis vraiment navré. Je vais rester là parce que je sais que vous ne pouvez rien pour moi. On va appeler le siège, la direction, pour qu'ils nous donnent l'explication. Parce que ce n'est pas vous sur la plateforme et c'est tout à fait normal qu'ils aient habilité à faire ça. Merci de votre gentillesse, en tout cas, monsieur. Bonne journée, au revoir. On vous souhaite une belle journée. Allez, on appelle le siège. C'est parti, on va avancer parce que là, je trouve quand même qu'il y a du très lourd dans cette histoire. Pendant ce temps-là, le Tour de France, 32-10, touche numéro 2 et encore numéro 2 pour gagner l'étape hélicoptère, l'étape de montagne et les deux nuits d'hôtel. Et vous avez aussi un SMS. Le SMS, c'est RTL au 74-900. Appelons ensemble le siège. Ça ne peut pas nous faire du mal sur RTL. Nous réglons tous vos problèmes au 32-10 ce matin. L'été en musique et en BD avec RTL. Voulez-vous gagner l'un des coffrets Bob Dylan que j'ai pour vous? 23 titres de Dylan et un livret illustré par le dessinateur de BD Pablo. Écoutez les nocturnes de RTL. Ce soir, mercredi, à partir de minuit. George Lang. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Chez Lidl sur mer, oui. En ce moment, pendant la foire aux poissons, la bourriche de 2 douzaines d'huîtres creuses numéro 3 Origine France est à 8,99€. Les 24 huîtres creuses numéro 3 pour moins de 9€. On est encore largué, il y en a marre. Oh, c'est le vrai prix, patron, hein ? 8,99€ la bourriche de 2 douzaines. J'en prends une ? C'est ça, oui, du citron tant qu'on y est. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 2 juillet. Origine Bretagne ou Normandie selon magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Intersport. Profitez de remises spectaculaires sur vos produits de sport préférés. De vrais soldes sur de vraies marques, c'est chez Intersport. Vrais soldes, vraies marques. Ouverture exceptionnelle le dimanche 3 juillet. Intersport, le sport commence ici. Date selon les articles D310, 15-2 et 15-3 du Code du commerce et sur les articles signalés en magasin hors département 6606 Écorce. Liste des magasins ouverts le dimanche sur intersport.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a un appel qui est arrivé car cette émission, on l'a fait ensemble, mes amis auditeurs. Vous nous apportez beaucoup d'informations et je vous remercie. J'ai Christiane, normalement, qui est en ligne avec nous sur l'antenne d'RTL. Christiane, soyez la bienvenue. Oui, bonjour Julien. Christiane, vous avez écouté l'émission et vous voulez témoigner sur l'histoire de notre ami auditeur qui a pris Volotea pour faire un Nantes-Venise. On lui dit il y a 2 heures de retard. Il demande est-ce qu'on a le temps d'aller faire une course. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il va faire sa course et l'avion finalement va partir à l'heure. Et avec une quinzaine de passagers, ils vont rester au sol. Vous, il vous arrivez autre chose pour une autre destination. Vous partiez aussi de Nantes, décidément. C'est la Chkoumoun là-bas. Vous partez de Nantes le 8 mai pour aller où? En Corse. Mais vous deviez atterrir à Figari. À Figari. Finalement, le départ a lieu à 10h30. Devait. Vous êtes parti à quelle heure? On devait partir à 10h30. Ouais. Attendez, j'ai les papiers devant moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes parti en fait. On devait partir à 10h20. D'accord. Et alors c'était différé toujours. Nous sommes enfin partis à 15h30. Bon, ça c'est un retard classique. C'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que vous deviez atterrir à Figari et vous avez atterri où? À Bastia. Et quand on voit la distance entre Bastia et Figari, c'est combien d'heures de bus? C'est un bus. Alors on a pris le bus à 17h30. Ouais. Et on est arrivé à Figari à 20h40. D'accord, 20h40. Et là-bas... Rien mangé, rien bu. C'est la peau du ventre qui n'est pas tendue. Hein. Et donc, vous avez demandé, je suppose, un remboursement, parce que c'est tout à fait normal, parce que là, c'est quand même... Et c'est pas le retard, alors, les 3 heures, ça peut passer. On nous a donné l'attestation de retard, à tous les 4, parce qu'on était avec ma belle-sœur et son mari qui habite le château d'Olonne. On est de la Vendée, nous aussi. J'entendais tout à l'heure le monsieur de la Roche-sur-Yon. D'accord. Hein? Alors on nous a donné l'attestation de retard, de 14h30. Aurait subi un retard de 14h30 en raison d'un problème. Christiane, ma belle, comme on est en retard, qu'est-ce qu'ils vous ont remboursé? On n'a rien. Voilà. Vous voyez, ça sert à rien de faire de longues phrases. J'ai fait une lettre recommandée, j'ai téléphoné, j'ai eu le siège en Espagne, à Barcelone, j'ai fait un courrier. Ouais. J'ai fait ma photocopie de la lettre. Et puis, aucune nouvelle. Pardon, aucune non. nouvelle. Bernard, non. Est-ce qu'on a le droit à un remboursement quand il y a changement d'aéroport à l'arrivée? Mais c'est pire que ça, Julien. Il y a d'abord 5 heures de retard. Donc il va falloir quand même expliquer aux passagers 5 heures de retard. Pourquoi on a 5 heures de retard? Deuxième chose, c'est changement d'aéroport. Oui. Là, il y a peut-être aussi un problème d'intempérie. Ça, je ne peux pas le garantir pour le 8 mai. Je pense pas. Ne le sais pas. Donc on va le vérifier. Mais par contre, 5 heures de retard, c'est automatique qu'ils ont droit à une compensation financière d'au moins 200 euros par passager. Et il faut que Christiane vous fassiez comme l'autre auditeur. Ça, c'est le truc qu'on donne. Vous envoyez un courrier à la DGAC. Direction générale de l'aviation civile qu'a évoqué donc maître Novakovic, c'est rue des Pyrénées. Alors, Christiane, on va vous donner tout ça en antenne, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, j'ai écrit à Barcelone. J'ai bien compris. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas écrire là-bas. D'accord. Vous êtes extraordinaire, Christiane. J'ai écrit à Barcelone, Julien. Christiane, il faut écrire à la direction de l'aviation. Ben oui, parce que moi, j'ai écrit à Barcelone. Oui, c'est pour ça qu'il faut écrire à l'aviation. Donc à Barcelone, ça ne sert à rien. Non, puisque je pense que c'est à l'aviation qu'il faut écrire. Bon, alors, j'en fais quoi de mon courrier de Barcelone? Ben rien, parce qu'il est déjà parlé. Bon, je repars à Barcelone chercher mon courrier et j'envoie. Non, laissez-le là-bas. Faites-en un nouveau. Pitié. Oui, Christiane, vous avez raison. Il faut écrire aux deux. Hein, comme l'a dit Matt Fellono, on écrit à Barcelone, c'est la compagnie Volotea pour leur dire ce qui se passe, et puis la DGAC en complément. Christiane, Bernard vous explique ça en antenne. Merci de nous avoir rappelé. Je vous fais un énorme bisou, Christiane. Et si on a Volotea, on parlera de votre cas aussi, d'accord? Eh ben, moi aussi. Gros bisous, ma Christiane. Gros bisous. J'étais ravi de vous parler. Oh là là, ce Volotea, décidément, il faut vraiment nous parler. Quand je pense à notre auditeur de Nantes qui nous a raconté tout à l'heure. Y yo volé partir a Medid, a Egmo de Puz. Al aeropuerto de Nantes, Medid, a Dedor, Dertar. Alors, y a des cita de por, ma cousine du guette. Malheureusement, quand y a levé la tête, y a vu mon avion qui partit avec la compagnie. Volotea, Volotea. L'avion, il décolle sans moi. Il est dans le baba. Bon, allez, on va essayer de les avoir quand même une fois. On se retrouve sur RTL dans une seconde et nous aurons un cas qui vient d'arriver au 3210, c'est le cas de Nathalie. Là aussi, on a vraiment besoin de vous. Vous allez voir pourquoi ça nous a beaucoup touchés.

Rendez compte maintenant, vous pouvez même pas laisser un toutou deux minutes dans une voiture, ils viennent et ils le volent. Alors vous voulez passer un appel, j'espère. Je voudrais savoir si quelqu'un le voit, parce qu'il a été volé dans la rue Billard, dans Paris 18e. Rue Billard, Paris 18e, voilà. Un berger malinois, femelle de 4 mois, couleur marron, gueule noire. Voilà, elle a un collier vert et une laisse noire. Et on voudrait savoir si quelqu'un le voit dans le quartier ou dans l'immeuble qui n'a pas l'habitude de la voir, puisse contacter le commissariat. Ou me contacter, moi ou mon compagnon, en fait. Alors, vous contactez, vous, ça va être compliqué de donner votre numéro à l'antenne, mais qu'il nous contacte ici à RTL, qu'il nous laisse un message, ou le commissariat. Enfin, je veux bien donner votre numéro, Nathalie, mais vous allez recevoir des centaines d'appels, et pas forcément votre chien. Donc, ils n'hésitent pas, ils appellent le 3210, ils vont sur le Facebook de l'émission. La page, ça peut vous arriver. Sarah met un petit encart immédiatement, un berger malinois. Voilà, j'espère, Nathalie, qu'on va le retrouver, parce que votre enfant doit avoir de la peine, et je peux le comprendre. C'est dans le 18e, rappelez-moi la rue. Rue Billard. Merci Nathalie, nous voulions lancer ce petit appel pour vous. En ce qui concerne le grand feuilleton, ça peut vous arriver, les cas s'enchaînent. Alors il y a un cas dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut me le retrouver concernant l'expertise qui a lieu cet après-midi? Je vous rappelle qu'aujourd'hui il y a un moment important, j'y reviendrai dans quelques instants. Il y a une expertise qui aura lieu cet après-midi pour un cas qu'on a traité hier ou avant-hier. C'était le cas de Louis qui est paysagiste pour ses clients, il est passé par une entreprise. Je suis paysagiste et j'ai commandé auprès d'une entreprise du plancher en bois recomposé. Mais sur les terrasses de mes clients, les lames de ce plancher se fendent. Depuis, l'entreprise n'a pas trop l'air de s'en soucier. Et nous avons donc l'expertise qui va avoir lieu avec Neolife et nous espérons qu'avec Madame Moulin, ils vont trouver un accord cet après-midi. Donc demain, nous aurons du nouveau sur l'antenne d'RTL. Vous êtes là, on est d'accord pour l'expertise. Vous me dites si elle n'a pas lieu, surtout, vous m'appelez. Oui, en fait, c'est pas une expertise. En réalité, c'est un rendez-vous. Ah oui, c'est un rendez-vous, c'est l'autre auditeur. C'est l'autre auditeur. Vous allez pouvoir tout lui expliquer, d'accord? C'est l'autre auditeur, Yves Manon. C'est plus tard l'expertise. D'accord. Vous m'appelez demain matin pour me dire comment ça s'est passé? Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. En ce qui concerne Titayana, c'est notre Tahitienne qui avait acheté des places pour aller voir Céline Dion parce qu'elle l'adore. Alors elle vit, je crois, dans la Haute-Garonne. Elle va sur un site, Maître Novakovic, elle sort 413 €. Et là, comme par hasard, le site, une semaine avant, lui dit « On n'a pas les places pour le jour que vous avez demandé ». Ce qui veut bien dire qu'ils ont encaissé l'argent sans avoir les places. Ils ont encaissé l'argent et puis ils ont essayé d'en trouver après en catastrophe. Et là, ils lui disent « On a des places ». Pour un autre soir. Sauf que, excusez-nous, amis de bonbillet.fr, quand on habite à Toulouse, il faut juste qu'on s'organise un petit peu. Comme on a un travail, on prend un petit RTT, peut-être, on fait garder les enfants, on se prend un petit transport, parce qu'on ne peut pas se téléporter, contrairement à Spock, pour aller de Toulouse à Paris, et on se loge là-bas. Et ils lui disent, écoutez, si vous n'êtes pas contente, on va vous rembourser les billets. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à se faire rembourser les billets. Sarah, on est d'accord? Je vous le confirme, Julien, mais que les billets, malheureusement. Donc, je suis pas contente. Et vous êtes d'accord qu'il faut un petit dédommagement quand même. Évidemment, Julien, c'est scandaleux parce qu'elle a dû non seulement elle était privée de son concert, mais en plus elle a pris toutes ses dispositions pour venir. C'est scandaleux. C'est pour ça, oui, Sarah. Non, je voulais juste ajouter que je n'ai jamais eu de réponse. C'est pas bien grave au mail que j'ai envoyé. C'est dommage. Je proposais des solutions et ils essayent de passer que par notre auditrice. Ils ont tout à fait le droit. Bien sûr. Mais je pense que, comme dit Maître Novakovic, elle est en ligne. Titayana, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les avez au téléphone? Bonjour, ma Titayana. Bonjour Julien, je n'ai personne au téléphone, ils ne répondent que par mail. D'accord. Et encore, oui. Moi, je veux juste dire la chose suivante. Soit Bourbillier fait quelque chose, soit on est obligé de constater qu'ils vous prennent l'argent alors qu'ils n'ont pas les billets. Et là, ils peuvent toujours essayer de m'attaquer s'ils le veulent. Mais il faudra qu'ils me prouvent pourquoi ils ont pris l'argent de Titayana sans lui fournir les billets à la bonne date. Et donc, ça veut dire qu'ils les achètent une fois qu'ils ont l'argent. Sachez-le pour la suite. Et s'ils ne vous plantent une semaine avant, parce que comme par hasard, il est marqué dans les conditions générales, on ne vous envoie pas les billets de suite. Non. À votre avis, pourquoi ils mettent ça dans les conditions générales? Mais effectivement, pour d'abord empocher votre argent des mois à l'avance, ils vous disent, nous avons le droit de vous les envoyer 7 jours avant le concert. Et c'est là qu'en fait, à la place du billet, ils ont eu un mail disant, on a des places pour le concert du 9 juillet. Mais il n'y avait plus d'hôtel, il n'y avait plus d'avion libre à ce moment-là. Et puis, on n'est pas disponible comme ça à volo. Bien sûr. Franchement, c'est pas bien. Maître Novakovic. Oui, Julien, cela mérite, à mon sens, un signalement à la DGCCRF, donc de la Direction Générale de Répression des Fraudes. Belgique. Sur Belgique. Qui, peu importe. Ah bon. Pour faire une enquête et voir ce qui se passe quand la victime est française, le procureur est saisi, donc la DGCCRF peut saisir le procureur de la République. Ah, sont aux Pays-Bas. Hein, et par contre, ils s'appellent bonbillet.fr, mais ils sont à Heemstelveen aux Pays-Bas. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, à vous de choisir en connaissance de cause avec bonbillet.fr. Mais il faut dire une chose quand même, c'est très rare, pour ne pas dire que ça n'arrive jamais, quand vous commandez sur la FNAC, quand vous commandez sur des sites comme ça, ils ont les billets et vous les achetez. Quand vous les achetez, quand vous envoyez l'argent, c'est parce qu'ils ont le billet. Là, j'ai l'impression qu'il y a des sites qui s'amusent à prendre l'argent, à se dire on va essayer de se débrouiller, à trouver un billet après. Voilà, et si c'est vraiment cela, s'il y a des enquêtes effectivement qui sont menées et s'il s'avère que des gens se trouvent victimes de comme elle, eh bien le procureur pourrait considérer qu'il s'agirait d'un abus de confiance. Donc vraiment une vraie enquête qui s'impose. Merci Maître Novakovic. Je vous en prie. 10h45, RTL en direct, le 9h30, 11h. Dernier appel, je dis bien dernier appel pour le Tour de France, 32-10, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2, ou bien le SMS, je ne m'en rappelle plus, mais il va arriver, parce que vous verriez le bordel qu'il y a sur ma table. Il y a tellement de fiches qu'on ne retrouve plus rien du tout, mais il y a un SMS qui va arriver. Vous gagnez une étape du Tour de France en hélicoptère avec deux nuits d'hôtel. Je voudrais maintenant que l'on parle de Last Minute. Pouvez-vous me retrouver la fiche grâce à votre système très organisé à l'hasard qui est en train de fouiller. Céline. Il va maintenant dans les poubelles chercher le cas. Il sort, il s'aperçoit qu'il l'avait laissé et a entouré un sandwich avec et il me le tend. C'était Céline. Céline qui nous avait dit ceci. Avec mon compagnon, on voulait profiter d'un séjour en amoureux. On est passé par une agence et on est tombé sur un hôtel censé être de prestige. On nous a changé 3 fois de chambre en 8 jours. Entre les draps sales, les poubelles pas vidées et la terrasse couverte de fientes de pigeons, c'était effectivement un séjour inoubliable. Que s'est-il passé, Céline? Depuis, nous avons fait un point avec Last Minute et c'est un coup de gueule, Bernard, que nous allons pousser ce matin. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Non mais écoutez la réponse que j'ai reçue, Julien, de Last Minute. Après avoir soigneusement investigué avec notre service client sur le dossier, nous avons établi que Madame Céline Leite et son conjoint ont bien déposé une réclamation au niveau de l'hôtel. On les a changés de chambre, donc l'hôtelier considère lui qu'il n'a pas fauté, qu'il a fait le nécessaire. Mais comme évidemment l'hôtelier sur place ne veut rien faire à Marrakech, nous vous proposons de lui faire un avoir de 200 euros pour son voyage. Je trouve ça honteux, scandaleux, inadmissible. Je ne comprends pas qu'une marque aussi prestigieuse que Last Minute se laisse embobiner par un hôtelier à Marrakech. Ça veut dire que malheureusement, si on passe par Last Minute et qu'on n'a pas le bon hôtel, derrière, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a pas de suivi, puisqu'elle a loué une chambre avec un grand lit pour son mari, voyage en amoureux. Elle se retrouve avec deux lits séparés aux extrémités de la chambre. Elle change de chambre. La deuxième réserve de belles surprises, les draps sont sales, les poubelles sont pleines, la salle de bain, les savons étaient déjà déballés, entamés. Sur la lit, il y a une Charlotte, appartement sûrement aux hommes de ménage. Quant à la terrasse, elle est couverte de fientes de pigeons. Et elle nous a envoyé des photos. Et quand elle appelle Last Minute, Last Minute semble lui dire, on ne peut pas faire beaucoup plus. Alors je pense qu'on va lui donner le contact privilégié de notre partenaire, hein, devant des justices. Il faut aller en justice, les avocats le confirment. D'ailleurs, ici, je pense que c'est évident. Je précise que lundi, vous savez, souvent on dit, on va donner ça à nos partenaires de demandezjustice.com, et il faut quelques semaines, quelques mois pour traiter les dossiers. Eh bien lundi, nous allons faire un point sur 4 ou 5 dossiers qui ont été en justice sur RTL, avec des résultats. Soyez là lundi matin pour écouter tout ceci. Ça en fait un de plus pour Last Minute, et on donnera le résultat, et on verra dans ces cas-là si Last Minute avait raison de lui dire ça ou pas. Céline est en ligne, elle est extrêmement déçue. Non mais Céline, ne vous inquiétez pas, je comprends que vous soyez déçue sur le côté immédiat de la chose. C'est juste que j'arrive pas trop à saisir. Mais on va vous aller garder vos photos. Nos amis de demandezjustice.com vont assigner Last Minute. Et derrière, nous aurons le résultat. Vous m'accordez, voilà, il vous faut 3-4 mois. Bien sûr, non. Mais faites-nous confiance, on n'aurait rien à débourser, ok? Non, il n'y a pas de souci. Je vous remercie en tous les cas. Ne vous inquiétez pas, et on ne va pas laisser tomber. Mais en tout cas, vous vous rappellerez de ce voyage romantique avec votre mari. Voilà. Last Minute, je pars en voyage sur la terrasse en fiente. Tu m'as embrassé. Il y avait du caca partout dans la cuvette des WC. Oh non, Last Minute, l'hôtel est fermé. Faut passer par la fenêtre pour pouvoir entrer. Bon bref, C'est un voyage comme on les aime. Julien, excusez-moi de vous couper. On peut citer le nom de l'hôtel quand même, qui est vraiment bidon à Marrakech. Enfin, j'aimerais bien qu'on le cite. Il est bidon. Dites qu'il était. Il n'était pas bien entretenu. Non, il n'était pas bien entretenu. On lui a donné une mauvaise chambre. On a fait vraiment le minimum. Et c'est le Blue Sea Hotel à Marrakech, Riyad Park and Spa. Nous ne sommes pas contents sur l'antenne. Et en tout cas, il me tarde de connaître les résultats. Vous savez qu'il me tarde cette émission de lundi, Maître Felloneau, parce que pour toutes les fois où vous avez l'impression qu'on botte pas en touche, on va jusqu'au bout. On a dit on va aller avec demandejustice.com. Et bien lundi, on aura les résultats et on verra si les sociétés ont bien fait de baser les auditeurs. Exactement. Et alors, je rappelle, je l'ai dit peu de fois, mais il y a une procédure européenne maintenant, Julien, pour les litiges inférieurs à 2000 euros. C'est exactement comme le juge de proximité. C'est un formulaire que vous trouvez sur Internet, que vous envoyez au juge en France, quand le juge français peut être compétent. Et il interroge à l'étranger la société européenne, évidemment. Ce qui fait que, comme si ça se passait en France, si jamais la société ne défère pas la condamnation, vous pouvez recourir à un huissier belge ou espagnol, ça dépend de qui a été condamné. Mais c'est aussi simple que le juge de proximité. La double surprise dans quelques instants sur RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lecite.fr. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi ? 99 euros par mois. Alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, 1 litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiac jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. C'est cette année ? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire ? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Leclerc. Chérie, tu sais combien je suis fan de foot et qu'en ce moment... Ah ben oui, en ce moment... En ce moment, chez Leclerc, avec le grand jeu de la Ligue des supporters à partir de 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu, il y a un magnifique ballon de foot à gagner. Et ça... Ah oui. Du 29 juin au 9 juillet chez Leclerc, tentez de gagner un ballon de foot des 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Je vais chez Leclerc. C'est ça. Va, mon amour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bien, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant passer à notre grand jeu. Le jeu qui permettait de gagner une étape du Tour de France. Magnifique étape. Où vous allez pouvoir vivre, grâce à Skoda, que l'on remercie, deux jours extraordinaires, puisque vous allez faire l'étape, une partie en tout cas, en hélicoptère. C'est des étapes de montagne, donc une première partie de l'étape en hélicoptère, et le reste, on vous dépose sur un parking, vous le faites à pied, c'est fantastique. Et l'hélicoptère, c'est je crois 3 km, et les 197 après, c'est à pied. Et là, je dis merci à tonton Georges qui a imaginé ce cadeau. Non, vous allez survoler les Alpes en hélicoptère, dormir à l'hôtel. Enfin bref, je sais qu'il y a des fans du Tour de France pour qui c'est le Graal, ce genre de cadeau. Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre maintenant. Puis on a une deuxième surprise après. Nous allons voir ça. Commençons par la première sur RTL dans le 9h30, 11h. Il va nous répondre. Allô. Ouais. Oui, bonjour Julien. Oui, bon, ça va, Réo. T'as raison, Marco, perdons pas de temps. Alors, à l'essentiel, Marco qui est artisan, plâtrier, carreleur, en Meurthe-et-Moselle, et il a un copain qui est fou de vélo, Marco. C'est ça. Et vous allez donc lui offrir le petit voyage ? Eh ben, exact. Par contre, avec moi. Marco, je dois vous le dire, en ce qui concerne l'hôtel, c'est une chambre pour deux, hein. Ah ben oui, bon, ouais, j'ai pas de chambre, c'est terme. Avec un grand lit, Marco. Hein. Donc, vous allez vous rapprocher de votre copain. Je sais pas si ça va vous faire aimer le vélo, mais ça risque de vous faire aimer votre copain. Et vous avez gagné cette étape formidable avec Skoda. Tour d'hélicoptère, la grande vie. Merci à vous, mon Marco. Et merci aux artisans de nous écouter. Je vous souhaite une belle journée, Marco. Merci également à Julien et à toute l'équipe. À bientôt. Alors, merci. Tout à l'heure, je rappelle que Sébastien nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL. J'ai réservé 2 billets d'avion et 2 nuits dans un hôtel. Avec ma femme, on voulait aller à Venise. À l'aéroport, on nous annonce que l'avion a 2h40 de retard. On nous prévient que l'on peut quitter l'aéroport et revenir plus tard. Mais l'avion finit par partir à l'heure. Et on est une quinzaine à avoir vécu cette situation. On aurait même pu voir partir l'avion sous nos yeux. Est-ce qu'il est en ligne avec moi, Sébastien ? Oui, je suis toujours en ligne. Donc Sébastien, je rappelle que vous n'avez pas eu de chance puisque vous n'avez pas pu partir. On attend toujours d'avoir le siège de Volotea. Où en est-on ? Alors Germain, qui parle très bien espagnol, a appelé Volotea, évidemment, à Barcelone. On lui a dit, monsieur, vous envoyez un mail. La même procédure, ils n'ont pas voulu parler, ni à l'antenne, ni donner des informations précises sur ce dossier. Ce n'est pas normal, monsieur. Eh bien, on va continuer. Bon, il y a toujours ce courrier qu'on doit faire là, à votre aviation, mais on va continuer à appeler nos amis. À la DGAC, Julien. Voilà, la DGAC. Et nous allons continuer à appeler... européenne, Julien, je suis désolée, le tribunal c'est pas fait pour les chiens, oui, et là ils vont voir nos auditeurs, ils ont envie qu'on règle leurs problèmes, oui, c'est pas pour aussi, les envoyer à la Commission européenne. Il faut leur expliquer que dans des conditions comme ça on va pas appeler quelqu'un qui n'existe pas en fait, hein. Alors, Monsieur Carlos Munoz est le président de Volotea, ou le directeur général, il s'appelle Lazzaro Ro, c'est son nom de famille. R.O. Lazzaro Ro. Oui. Donc, nous essayons de les avoir. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. Mais en attendant, il y avait dans son bureau Tonton Georges. Tonton Georges, j'étais en Monsieur Cadeau sur RTL. Il est descendu, Tonton Georges, et il m'a dit, on va lui faire un petit week-end. Est-ce que ça vous tente, mon Sébastien ? Un week-end ? Ben oui, bien sûr. Attendez, un week-end de détente et de bien-être dans un 4 étoiles, Thalasso, Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, tout proche de Perpignan, 3 jours, 2 nuits, petit déjeuner, des soins. Est-ce que madame viendra avec vous ? J'espère bien. Hein. Eh ben voilà, il n'en est pas sûr, mais il espère. 4 soins par jour et par personne dans le cadre de la cure de remise en forme. La Méditerranée au pied de l'hôtel, c'est sublime. J'ai la photo, il y a une piscine immense avec des palmiers, le rêve absolu. Ça vous intéresse ? Oui. Bon, eh bien, pour 2 500 euros que vous m'enverrez à Julien Courbet, 7 rue, je vous l'offre. C'est offert par RTL. Voilà mon Sébastien, allez annoncer ça à votre épouse et merci à cet hôtel exceptionnel. J'ai la photo, j'ai envie d'y aller là. Le Thalasso Spa, les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon. Merci à vous, Sébastien. Super, merci beaucoup Julien. Je vous en prie, bonne journée. Mais on continue quand même, néanmoins, pour votre affaire. Hervé Pouchel, j'ai entendu une alerte. Oui, on va revenir sur le cas d'Evelyne parce que depuis un moment, c'est vrai. Je suis un peu muet parce que j'ai passé 45 minutes au téléphone avec cette mutuelle Néoliane, avec le groupe. On nous balade de service en service et finalement, j'ai réussi à avoir le Standard Général qui a bien voulu déranger Pierre-Alain de Malray, qui est quand même le président de Santiane. Il est en réunion, il va me rappeler personnellement. Demain. Et alors. Je lui envoie un mail immédiatement. Bien. Donc il est au courant. Demain. Et notre amie Evelyne aura du nouveau demain. Demain, nous aurons la réponse pourquoi Néoliane envoie des avenants à ses clients en leur disant finalement, les lunettes, c'est plus 450, c'est 300 sans que le client ait signé quoi que ce soit. Ça, c'est notre version. Maintenant, il faut qu'il nous donne la leur, qui est peut-être différente. Oui. Julien, on a une alerte au Standard. Le président de Néoliane viendrait d'appeler. Alors, malheureusement, il ne me reste qu'une minute. Donc prenez-le, Hervé, mais là, il me reste qu'une minute d'antenne, on va pas bâcler ça. On le rappelle tout de suite pour qu'il nous donne sa version, mais qu'il se rassure s'il écoute la radio, le président de Néoliane. Il sera prioritaire demain matin sur l'antenne d'RTL. Il est hors de question que les gens ne puissent pas s'exprimer. Il va nous donner sa version des faits. Et si elle est... voilà, on va l'écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention demain matin. Maintenant, peut-être que d'ici quelques secondes, nous en saurons plus. On va se retrouver sur l'antenne d'RTL très rapidement. Sur le 3210, vous pouvez nous envoyer évidemment tous vos cas. N'oubliez pas le Facebook, la page, ça peut vous arriver, où il y a aussi quelques petites vidéos. Et je donne toujours rendez-vous à mes amis du Sud. S'ils sont dans le golfe de Saint-Tropez pendant les vacances, eh bien, le One Man Show, c'est l'une des toutes dernières. C'est le 27 juillet à Plan de la Tour. Ça sera en plein air vers 21h. Dans le golfe de Saint-Tropez, Plan de la Tour, 27 juillet. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Vous l'attendiez impatiemment, aujourd'hui enfin il revient. Bonjour, bonjour les campeurs. Monsieur Chirac est demandé à l'accueil. Camping 3, ça se fait. Je vous rappelle les basiques. Ri, ici, pas de drogue. Non, stupéfiante. Camping 3, une comédie de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc. Alors, on n'attend pas Patrick. Actuellement au cinéma avec RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Vous êtes-vous déjà demandé si votre nom de famille avait une signification? On se fait un nom cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Merci Bernard Sabat, Hervé Pouchol, merci Maître Novakovic, Maître Fellonneau et toutes les équipes de rédaction d'Alain Hazard. Mon Stéphane, c'est à vous, comment allez-vous? Oh, en pleine forme, mon cher Julien. Alors, savez-vous que ce matin, nous allons parler de belles lettres avec Daniel Pénac qui va s'occuper du festival de la correspondance de Grignan et Lola Dever qui joue du Sacha Guitry au Théâtre Rive-Gauche. Eh bien, c'est formidable. Mais c'est un bon programme. Mais c'est oui. un super bon oui. programme, vous voulez dire. Ah, je suis ravi. Eh bien, je vous souhaite une belle émission. Merci, merci Julien. À demain, 9h30, vous me confirmez. Donc, on aura le président au téléphone pour la mutuelle. Il vient d'appeler. Oui, il vient d'appeler. On aura demain. C'est une porte ouverte demain. Vous appelez dès 9h. Concernant celle qui va vous présenter les infos maintenant. J'ai encore rêvé d'elle. Non, mais c'est gentil qu'elle y rêve aussi. Je sais qu'elle ment, mais c'est pas grave. RTL 11h. Céline Landreau pour l'information. Bonjour Céline. Rebonjour Julien, bonjour à tous. 36 morts, au moins près de 150 blessés. Istanbul s'est réveillé ce matin après l'attaque la plus meurtrière dans la capitale turque, déjà visée trois fois cette année. Le triple attentat suicide n'a pas été revendiqué, mais les autorités turques pointent Daesh. Et moi, dans le monde entier, après donc ce triple attentat suicide à l'aéroport d'Atatürk, Manuel Valls, le Premier ministre français, s'est exprimé ce matin. Il a assuré le peuple turc de son soutien. Je veux exprimer à mon tour ma solidarité, notre soutien à l'égard du peuple turc, avoir bien sûr la compassion indispensable vis-à-vis de toutes les victimes. Nous savons ce que cela veut dire, un attentat. À ce stade, nous n'avons pas d'informations sur des Français qui seraient victimes de cet attentat. La lutte contre le terrorisme est une de nos priorités. Tous les jours, des individus sont interpellés, des filières sont démantelées. Il y a une mobilisation exceptionnelle de nos forces de sécurité, de nos services de renseignement. C'est la coopération internationale, la coopération européenne qui doivent aussi permettre de faire face à cette menace terroriste. C'est pour cela que c'est pour nous dans l'agenda la priorité de la refondation de l'Union européenne après le Brexit, pas dans quelques années, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Le Premier ministre Manuel Valls au micro RTL de Frank Hanson. L'Europe et les 27 réunis pour la première fois sans le Royaume-Uni à Bruxelles. L'Union dans laquelle voudrait rester l'Écosse malgré le vote britannique. La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon sera reçue en fin d'après-midi par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. L'association de défense des animaux L214 porte plainte contre deux abattoirs du sud de la France aujourd'hui à Pézenas dans l'Hérault et Puget-Aignan dans les Alpes-Maritimes. Vidéo à l'appui de l'association dénonce des actes de cruauté dont sont victimes les animaux. Ils seront interdits dès vendredi. Allez-vous regretter les sacs plastiques à usage unique délivrés en caisse dans les magasins? C'est la question du jour sur RTL. Vous pouvez déjà voter sur notre site rtl.fr et appeler bien sûr au 3210 dès midi. Et puis en plein Euro de football, la saison des transferts continue. L'ancien international et monégasque Jérémy Toulalan vient de s'engager avec les Girondins de Bordeaux pour deux saisons. La météo, variable aujourd'hui avec un peu de pluie près de la Manche et des orages en fin de journée des Pyrénées au sud du Massif central jusqu'au nord de la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le sud de la Bourgogne. Du soleil tout de même sur l'extrême sud-est du pays. Les températures entre 17 et 32 degrés cet après-midi de la Manche à la Provence. Vous aurez 21 à Nantes, 23 à Nancy et Paris, 29 degrés à Toulouse ou encore 31 à Lyon. Les courses à Maison Lafitte cet après-midi. Bernard Glace vous propose de jouer le 13, le 6, le 14, le 8, le 5, le 4, le 12 et le 10, 13, 6, 14, 8, 5, 4, 12 et 10. Sa dernière minute, c'est le 12, ça en secret. Il est 11h03. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Bern à la bonne heure sur RTL. Oui, absolument. Bonjour Céline. Bonjour. On retrouvera Céline Landreau à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et nous plongeons donc à la bonne heure avec toute l'équipe qui est là. Et oui, je dis que toute l'équipe est là parce que il manque les invités. Pour le moment, ils sont en route. Je ne sais pas, ils se sont perdus, mais ils vont arriver. Ils ont raté la correspondance. Ah, oui, c'est vrai. C'est un drôle, Patrice. Alors, en fait, nous avons invité Daniel Pénac qui va arriver, évidemment, pour le Festival de la correspondance de Grignan, et Lola Dever pour une pièce de Sacha Guitry, Une folie, au théâtre Rive Gauche. Mais je vous présente d'abord tous mes petits camarades. Alors, l'été, les beaux jours, évidemment, regardez, elle se fait, elle se fait jeune, elle est pimpante, hein. Mais elle est quand même en colère. C'est Joël Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour Joël, c'est quoi votre colère du jour? Je vais vous parler des vacances. Ouais. Ah, ça vous met en colère, et je comprends. Et puis des cartes postales un petit peu aussi. Ah, oui. C'est ça la correspondance des vacances. Mais c'est ça, c'est oui. Vous allez voir. Vous envoyez des cartes postales encore? On n'en voit plus. Mais justement, moi, je suis le dernier à en envoyer. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait envoyer la même à tout le monde. À tout le monde. Ah oui, tout le monde croyait que c'était même. Juste pour lui. Oui. Bah, y a peu de chances que les gens se comparent leurs cartes postales. Il y a des cartes postales de très bon goût aussi qu'on trouve sur les marchés avec des femmes au sein nu sur les fonds de plage. Je m'amuse beaucoup avec une petite blagounette en dessous. Alors, Régis, c'est celle qui nous envoie tous les étés, Stéphane, quand même, je vous rappelle. Ben oui, c'est pire. À propos de Régis, des maillots express comme s'il en pleuvait. C'est vrai qu'il pleut toujours sur une partie de la France. Régis Maillot. Bonjour à tous. Bonjour. Puisqu'il est question de correspondance, moi aussi j'ai du courrier.